Chapitre 8e. Incertitude. Madame Halliburton restait assise, immobile, après cette plainte qui venait de passer sur ses lèvres. Son mari n'osait la regarder. Ses yeux se fixaient sur la flamme, il appuyait sa joue sur sa main, elle pleurait, il étendit sa main et la lui posa sur l'épaule. « Jane, si j'avais su que tu verrais le côté noir du tableau, j'aurais hésité à te parler. Ma bien-aimée, le fait même que je te l'ai dit doit te convaincre qu'il n'y a rien de sérieux dans cette affaire. » Maintenant qu'il avait parlé, il croyait devoir prendre la chose par son meilleur côté. « Tu dis qu'ils ne veulent pas t'assurer. Peut-être cette expression n'est-elle pas exacte, Jane. Ils n'ont pas positivement refusé. Mais le docteur Carrington dit qu'il ne peut me donner le certificat nécessaire attestant que je suis fort et robuste. Alors tu es allée chez le docteur Carrington? Oui, pardonne-moi, Jane, je ne pouvais pas en parler devant les enfants. » Elle appuya sa tête sur l'épaule de son mari. « Raconte-moi tout, Edgar, tout ce que tu sais. » « Je t'ai dit le principal, Jane. J'ai vu le docteur Carrington, il m'a fait beaucoup de questions, il m'a ausculté. Il croit que les organes vitaux ne sont pas solides et il refuse de me donner le certificat. Il dit que tu n'as pas la poitrine forte. Il a parlé des poumons. » « Ah !» fit-elle avec un soupir. « Qu'a-t-il dit d'autre ?»« Il n'a parlé ni du cœur, ni du foie, ni d'aucun autre organe. Ainsi, j'en conclus qu'ils ne sont pas malades et qu'il n'y avait rien à en dire, » répondit-il, essayant de plaisanter. S'il me l'avait demandé, j'aurais pu lui dire que j'avais la tête forte, car elle est assez remplie de soucis. Je ne t'en aurais pas du tout parlé, Jane, sans un avis assez perplexe que m'a donné le docteur. » Jane se redressa, sa figure reprenait des couleurs, il continua. Le docteur Carrington recommande vivement que je quitte Londres. Il a dit que c'était indispensable pour ma guérison. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que tu m'aies vu si absorbée après un pareil conseil, acheva-t-il à la hâte. « Te croit-il très malade ? » balbutia-t-elle. « Il n'a pas dit très malade, Jane. Je ne le suis pas, tu le vois bien toi-même. Ma chère, il a dit que mes poumons étaient attaqués, » interrogea-t-elle. « Attaqués, oui, c'est cela, » répondit-il avec candeur. « C'est le terme qu'emploient les médecins, et il a beaucoup recommandé que je quitte Londres. Pour combien de temps le sais-tu ? Pour toujours. » Jane tressaillit. « Si je quitte Londres, j'abandonne mon gagne-pain. Tu comprends maintenant pourquoi j'étais si absorbée à l'heure du thé. Quand tu m'as vu sortir, j'étais chez Alan. » « Oh, et que t'a-t-il dit ? » demanda-t-elle vivement. « Il juge la chose moins défavorablement que le docteur Carrington. Il a été d'accord avec lui sur un point, mon départ de Londres. » « Edgar, sais-tu ce qu'il faut faire ? » dit Jane après une pause. « Tu devras aller voir un autre médecin, un docteur qui s'occupe des maladies de poitrine. Vas-y demain, sans délai. S'il te dit que tu dois quitter Londres, eh bien, nous partirons, quel que soit le sacrifice. » Cet avis correspondait à la pensée de M. Halliburton, mais une conviction le poursuivait. Il sentait que, quel que fût le docteur, son verdict serait le même que celui du docteur Carrington. Il ne le dit pas à Jane, au contraire. Il prétendit que ses médecins de bureau d'assurance étaient par trop difficiles, et il essaya de se tromper lui-même par ses sophismes. « T'adresseras-tu à un autre bureau ? » demanda Jane. « Je le ferai, si je ne le croyais pas inutile. » « Tu crois ? Les bureaux ont tous leurs médecins spéciaux, qui sont tous aussi exigeants, des lubies. Si tu es réellement malade, aucun bureau ne t'acceptera. Tandis que s'il ne s'agit que d'une indisposition momentanée, on t'assurera. C'est vrai. Oh, Jane, ajouta-t-il avec un soupir d'angoisse, que ne donnerais-je pas pour m'être fait assurer depuis longtemps? Toutes ces années qui se sont perdues et durant lesquelles j'aurais pu m'occuper à créer des ressources pour nos enfants. Aucun de nous, en songeant au passé, ne pourrait-il se faire le même reproche? Quelle une insomnie pour tous les deux! Ils se levèrent le lendemain, pâles et fatigués. « Chez quel médecin iras-tu ? » demanda Jane en s'habillant. « J'ai pensé au docteur Arnold. Oui, tu ne pourras en choisir un meilleur. Edgar, tu me laisseras t'accompagner. Non, non, Jane, cela ne servira à rien. Tu ne pourrais rentrer avec moi. » Elle sentit la valeur de l'objection. « Je serais si inquiète, » dit-elle tout bas. Il se mit à rire. « Ma chère, je reviendrai tout de suite vers toi. Je mettrai les bottes de 7 lieues du petit pousset pour aller plus vite. Tu sais combien je suis inquiète, » répéta-t-elle un peu vexée. Il changea le ton. « Jane, tu te tourmentes beaucoup trop. Ce n'est pas bien. Je voudrais être avec toi. Je voudrais entendre le docteur Arnold lui-même. Je te répéterai fidèlement ses paroles. Fidèlement, mot à mot, tu me donnes ta parole d'honneur. Oui, Jane, je te le promets. je serais trop heureux de te rapporter de bonnes nouvelles, et si elles sont mauvaises, ne faudra-t-il pas que tu le saches? Tu iras avant 10 heures, autrement tu ne le rencontreras pas. J'y serai à 9. Si j'allais plus tard, il me faudrait déranger mes leçons. » Une pensée traversa l'esprit de Jane. Que ferait-il de ses longues journées, de ses travaux, si le verdict était défavorable? « Oh, papa !» s'écria Jenny à déjeuner. « N'était-ce pas une jolie soirée? T'étais-tu jamais autant amusée ?»« Je ne crois pas que toi, Jenny, tu aies jamais eu autant de plaisir, » répondit-il amicalement. « Non, c'est vrai. Le jour de naissance d'Alice Harvey a lieu en été, et elle dit que sa maman donnera aussi une soirée. Maman ?»« Quoi, Jenny? Est-ce que j'aurai une robe neuve pour y aller? Tu sais que j'ai déchiré la mienne hier au soir. Nous verrons plus tard, mon enfant. Nous ne savons pas où nous serons tous à cette époque. » « Ne t'étonne pas, tu me trouves à la porte du docteur Arnold quand tu en sortiras, » dit au pas Jane à son mari, comme il partait. « Mais pourquoi donc, Jane? Ce serait absurde. Ma chère, je ne t'ai jamais vue comme cela. » « Non, mais quand donc y avait-il eu de raison de s'inquiéter ainsi ?» Jane le regarda partir. Elle essaya de se calmer, mais elle se sentit nerveuse, agitée. La tristesse l'envahissait, l'inquiétude l'accablait. La lecture achevée, Jane prit ses livres comme d'habitude. Madame Halliburton s'était, à l'exception des leçons de musique, complètement chargée de son éducation. Elle prépara ses cahiers et fut toute surprise de voir sa maître mettre son chapeau. « Maman, est-ce que tu sors ?»« Un petit moment, Jenny. »« Oh, laisse-moi aller avec toi, maman. »« Pas ce matin, mon enfant, tu as à travailler. »« Prépare les leçons que nous n'avons pas faites hier. »« Oui, maman. » Jane ne pouvait rester en repos. Il fallait qu'elle marchât. Elle suivait la même route que son mari. Irait-elle jusque chez le docteur Arnold? Elle commençait à regretter d'être sortie. Elle hésitait. Elle ralentissait son pas quand elle aperçut M. Allen à la fenêtre de son cabinet. Que n'allait-elle le consulter? Elle ouvrit la porte et entra. Le chirurgien préparait une potion. « Vous êtes dehors de bien bonne heure, Madame Halliburton ?» lui dit-il. « Oui, » répondit-elle. « Monsieur Halliburton est allé chez le docteur Arnold et moi. Le croyez-vous très malade, Monsieur Allen ?» interrompit-elle brusquement. « Ce n'est pas moi, c'est Carrington qui le croit malade. Saviez-vous qu'il avait été chez le docteur Carrington ?» demanda M. Allen, craignant de trahir un secret. « Je sais tout. Je sais ce qu'a dit le docteur. Croyez-vous qu'il se trompe ?»« Jusqu'à un certain point. Il n'y a pas de doute que les poumons ne soient attaqués, mais je ne les crois pas aussi gravement atteints que le dit le docteur Carrington. »« Il le croit donc bien malade ?» fit-elle d'une voix tremblante. « Vous me disiez que vous saviez tout, madame. » « Oui, oui, j'en sais suffisamment. Vous, dites-moi, croyez-vous qu'il y ait de l'espoir ?»« Mais certainement !» répondit avec empressement le chirurgien. « S'il prend soin de lui, il continuera à se bien porter. Il paraît que le docteur Carrington lui a fortement recommandé d'aller vivre à la campagne. Il a même été jusqu'à dire que c'était sa seule chance de vie. Il était trop loin, à mon avis. Ce n'est pas que je ne regarde la campagne comme susceptible de lui faire beaucoup plus de bien que Londres. Il doit donc aller à la campagne ?» demanda-t-elle en cherchant à cacher l'épouvante que venaient de lui causer ces mots. Sa seule chance de vie. Oui, s'il peut arranger ses affaires, qu'il y aille à tout prix. Cela se fera, si c'est essentiel. Je le lui ai dit bien souvent. C'est grand pitié que vous ne puissiez quitter Londres. Le brouillard, la fumée, l'air vicié, tout cela ne lui vaut rien, et je suis étonné qu'il ne s'en soit pas plutôt ressenti. Comme l'a expliqué le docteur Carrington, il y a des constitutions qui ne peuvent supporter ce climat. » Madame Halliburton se leva en soupirant. « Je suis bien aise que vous ne le trouviez pas si malade, » dit-elle. « Mais je ne le trouve pas malade. Je répète seulement qu'il n'est pas fort et qu'il doit se soigner. L'air pur et le repos font merveille. Si j'ai un conseil à vous donner, le voici. Qu'aucune considération pécuniaire ne vous retienne ici. Et c'est un conseil bien désintéressé, » ajouta le chirurgien en riant. « Car en vous perdant, je perds à la fois des amis et des clients. » Jane sortit. Ses paroles sinistres retentissaient à ses oreilles. Sa seule chance de vie. Elle reprit son empire sur elle-même et n'alla pas chercher M. Halliburton. Elle rentra, ôta son chapeau et s'occupa des leçons de Jenny. Mais nul ne pourrait décrire son angoisse, ni le regard qu'elle jetait à travers la fenêtre, ni les nombreuses fois qu'elle allait s'y accouder. À la fin, elle l'aperçut dans l'éloignement. Elle aurait voulu s'élancer à sa rencontre, lui demander « Quelle nouvelle ?» Mais elle ne le fit pas. Quand il fut à la porte de la maison, elle sortit de la chambre et entra avec lui au salon, la figure pâle comme un linge. Il vit l'agitation qu'elle chercha en vain à maîtriser. Il la regarda en souriant. « Eh bien, il n'y a rien de si effrayant après tout, Jane. » Elle rougit, son cœur battit. « Qu'y a-t-il, Edgar ? Tu sais que tu m'as promis toute la vérité. »« Oui, Jane. » L'opinion du docteur Arnold ne m'est pas si défavorable. « C'est un fait avéré que mes poumons sont attaqués jusqu'à un certain point, et cela depuis quelque temps. Mais il ne voit rien qui indique un danger actuel et croit que je pourrais vieillir. » Jane respira. Avec un régime, de l'air pur et de la chaleur, il dit que je n'ai pas grand-chose à craindre. « Je te disais bien, Jane, que ces médecins du bureau d'assurance se montrent par trop difficiles. » Le docteur Arnold recommande alors la campagne, demanda Jane sans prendre garde à la dernière phrase. « Beaucoup. Presque autant que le docteur Carrington. Alors, que faut-il faire ? Naturellement, il n'y a pas d'alternative. Il faut aller à la campagne. Où ? Voilà la question. Oui, voilà la question. Et non seulement où, mais pourquoi faire ? Je ne puis tomber dans une ville inconnue et compter que les leçons m'arriveront toutes seules. Mais je n'ai pas le temps de causer à présent. Il est déjà 10h30. Monsieur Halliburton repartit et Jane resta clouée sur sa chaise. Mille plans, mille projets fermentaient déjà dans sa tête.